Il est midi 55 minutes. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 31 janvier 2018. Voici les grands titres de cette édition. Une trentaine d'hommes en provenance de la République démocratique du Congo ont été accueillis au port commercial de Lomongué dans la vague de réfugiés fuyant les combats dans ce pays depuis la semaine dernière. Mais ces hommes suspectés, puisqu'il y en a qui sont blessés et qui reçoivent des soins à l'hôpital, ont été mis à part dans un hangar servant de stock. Notre correspondant nous en donne les détails dès le début de ce journal. Et le personnel de l'hôpital de Manda, à commencer par le directeur, craint pour sa sécurité après des intimidations proféré par des hommes armés non autrement identifiés et réclame une position des forces de l'ordre. Et l'enrôlement des électeurs pour le prochain référendum constitutionnel et les autres élections générales de 2020 va se dérouler simultanément à l'intérieur du pays et à l'étranger. Ce sera du 8 au 17 février prochain. D'autres précisions seront données par le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Dans ce journal également, un reportage sur au marché de Djabé, nouvellement réhabilité. Certains commerçants de ce nouveau marché disent être satisfaits des places qu'ils ont reçues de la part de la mairie de Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. 33 réfugiés congolais, tous des hommes suspectés, ont été accueillis au port commercial de Lomongué vers la mi-journée de ce mardi. 4 parmi eux sont blessés par balles et ils reçoivent des soins à l'hôpital en attendant le sort de ces hommes rassemblés dans un hangar de stockage des marchandises importées. Les autres précisions avec notre correspondant depuis Lomongué, Jean-Pierre Misago. Tous ces 33 hommes sont arrivés à bord de deux bateaux motorisés semblables à ceux des pêcheurs en provenance de la presqu'île du Boiry. L'un de ces bateaux avait été la cible de tir et 4 des passagers à bord blessés par balle ont été conduits à l'hôpital. Des 29 restants, certains visiblement très fatigués, dormaient dans le hangar de stockage de marchandises surtout importées et d'autres fumaient de gros morceaux de viande de chèvre abattus et emballés dans des sachets. Alors que certaines informations faisaient état d'arrivée de combattants rendus sur base du matériel saisi sur eux, constitué d'appareils de communication type Motorola, des médicaments modernes et traditionnels, et machettes et poignards, au Pessin et Donatien Manila Kiza, commissaire provincial de police à Lomongué, dit que ces objets ne prouvent pas à suffisance qu'ils sont des combattants. Selon lui, parlant de ces Motorola, ils sont légalement utilisés par les citoyens congolais suite au problème de réseau dans ce grand pays de l'Afrique centrale et la police ne peut pas coller l'étiquette de combattant à ces hommes qui ne le reconnaissent pas de peur d'être frappés par la violation des droits humains. Jusqu'à 10h30 de ce mercredi, tous ces hommes étaient encore dans la place qui les avait accueillis ce mardi. Jean-Pierre Misago de Lomongué, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago pour ces précisions. Et le personnel du centre de santé de Murengeza en commune Manda de la province de Bubanza dit qu'il travaille dans une peur panique suite aux menaces et intimidations leur proférées par des hommes armés non encore identifiés. Dans la nuit de mercredi dernier, un groupe d'hommes s'y est introduit et a demandé à un infirmier qui montait la garde s'ils ont déjà approvisionné un médicament. Il a répondu que non et ils se sont volatilisés dans la nuit, comme le raconte le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza, Dr Joël Wigirimana, demande qu'il y ait une position des forces de l'ordre auprès de cet établissement sanitaire. À titre de rappel, vous saurez qu'un certain Douaye Onesfor, qui était planton et d'infirmier à ce centre de santé, a été enlevé par des hommes armés qui n'ont pas été identifiés, qui l'ont trouvé chez lui il y a plus de mois et il a été retrouvé mort depuis 2 jours après. La police dit que les enquêtes continuent. L'enrôlement des électeurs pour le prochain référendum constitutionnel et les autres élections qui s'en suivront va se dérouler simultanément à l'intérieur du pays comme à l'étranger et ce sera du 8 au 17 février prochain. Le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui le dit, précise qu'à l'étranger, l'enrôlement sera fait au bureau des ambassades et dans d'autres lieux qui seront désignés par les ambassadeurs du Burundi selon les pays où ils sont accrédités. Prosper Naurwamiye ajoute qu'à l'intérieur du pays, toutes les collines des 18 provinces seront couvertes. On l'écoute. Il y aura un agent recenseur par unité d'inscription, bureau d'inscription, et il y aura un agent encadré par centre d'inscription. Un centre d'inscription peut contenir plusieurs bureaux ou unités d'inscription. Ça se fera pendant 10 jours, du 8 au 17 février 2018, de 7h30 à 17h30. En dehors de ces heures, l'inscription n'est pas autorisée. Et en dehors des centres d'inscription, l'inscription n'est pas autorisée. Et comment la CENI prévoit enrôler les Burundais qui sont à l'extérieur du pays? Bon, les Burundais qui sont à l'extérieur du pays seront enrôlés de deux manières. Il y a des Burundais de la diaspora qui sont dans différents pays. Il y a d'autres Burundais qui sont dans des missions de maintien de la paix. Et ces missions de maintien de la paix se trouvent essentiellement en Somalie et en République centrafricaine. Alors, l'enrôlement des Burundais de la diaspora sera via nos missions diplomatiques et consulaires. Ce sont ces missions qui vont se charger de l'enrôlement. C'est la même période du 8 au 17. Et puis les missions de maintien de la paix en Somalie et en République centrafricaine, la CENI va dépêcher une équipe composée des cadres de la CENI et des cadres du ministère de la Défense nationale pour enrôler ces gens. Il y a des pays qui ne comptent pas les missions diplomatiques burundaises. Comment la CENI prévoit de relever ce défi? Bon, on peut effectivement ne pas avoir une mission diplomatique systématiquement dans chaque pays. Il y a des pays qui couvrent plusieurs pays. Et c'est dans ce cadre que nous comptons organiser ce genre d'enrôlement. Mais à l'impossible, il n'est tenu sur le miracle. S'il advenait qu'il y a un pays où on a des Burundais, on n'a ni mission diplomatique, ni consulat général, vous comprenez bien que ce sera difficile, voire impossible d'enregistrer ces gens. Isanganiro, la radio de l'avenir. Il est 13h01 à Bujumbura. Des cuisiniers dans certains restaurants de la ville de Bujumbura utilisent des sachets pour emballer de la nourriture après cuisson. Ils expliquent que ces sachets permettent de garder au chaud la nourriture et d'autres cuisiniers disent laisser la nourriture sur le brasier en attendant que les clients arrivent. C'est un reportage d'Alida Naikeza. Dans certains restaurants de la capitale de Bujumbura, il est utilisé des sachets plastiques comme moyen de conservation de la nourriture. Un des restaurateurs dit employer ces sachets pour garder la chaleur de la nourriture. On prépare la pâte en ayant les autres aliments dans les casseroles, mais on ne peut pas le faire à chaque arrivée des clients. On met cette pâte quelque part en la couvrant avec un sachet pour éviter que les mouches ne tombent dessus. De plus, ces sachets gardent la chaleur plus qu'un notre ustensile. Une serveuse dans notre restaurant fait savoir qu'ils utilisent ces sachets car ils sont plus accessibles par rapport à leur pouvoir d'achat. Il y a d'autres moyens que l'on peut utiliser, à part les sachets, mais c'est trop cher pour nous. Par exemple, les papiers aluminium coûtent entre 6 000 ou 8 000. On préfère utiliser les sachets parce qu'ils sont moins chers. Les clients ne se lamentent pas de consommer de la pâte mise dans les sachets parce qu'ils ne savent pas comment elle est conservée car elle reste chaude. Dans un autre restaurant, ils indiquent ne pas faire recours à ces sachets comme moyen de conservation de la nourriture. Nous laissons le feu allumé. Quand les clients arrivent tardivement, nous réchauffons leur nourriture et nous leur disons d'attendre. Nous n'utilisons pas de sachets. Et quand on veut livrer de la nourriture à l'extérieur, nous utilisons des casseroles en plastique. Toutes les personnes avec lesquelles on s'est entretenu, elles indiquent ne pas connaître les conséquences liées à l'usage de ces sachets pour la conservation de la nourriture. Alida Ndaikeza et les habitants de la première venue en zone Bouyenzi de la mairie de Bujumbura près de la rivière Nahangwa sont inquiétés par le dépotoir et le ravin qui s'y trouve. Cette population environnante demande que cet endroit soit réhabilité. Eli Nibel Nibigira. À la première avenue de la zone Bouyenzi, en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, tout près de la rivière Nahangwa, il s'observe un ravin résultant d'un canal à eau usée en provenance des zones Bwiza et Nyakabiga, comme l'indiquent les habitants de cette partie. Ce ravin sert de dépotoir. raison pour laquelle l'endroit dégage une odeur désagréable. Malgré la déplaisance de ce coin, des personnes fouillent pour chercher de la nourriture. À part cela, d'autres se trouvent dans un restaurant à environ 5 mètres. Les clients prennent le repas sans souci. Aux alentours de ce ravin s'observent également des fentes. Des maisons sont en point de s'effondrer suite aux fissures qui les menacent. Malgré l'odeur désagréable, un certain Al-Masahani dit préférer ce dépotoir que d'être emporté par ce ravin. Il explique que ces déchets ménagers soutiennent les murs de leur maison. Ces déchets nous aident à soutenir nos maisons pour qu'elles ne soient pas atteintes de fentes. Ici, c'est le ménage numéro 12. Le numéro 13 n'existe plus. Même la parcelle s'efface progressivement. Les propriétaires ne savent pas sur quel pied danser. On s'est rabattu sur ces déchets pour nous protéger. Cette population environnante fait savoir qu'ils sont inquiets du danger que présente cette odeur et les moustiques venant de cet endroit. À quelques mètres se trouve une école dite lycée technique islamique de Bouyendi. Un enseignant que nous avons contacté affirme que deux salles de classe ont été déjà démolies par ce ravin. Ces habitants de la première avenue de Bouyendi ajoutent qu'ils se sont adressés aux autorités administratives pour appeler au secours. Mais en vain. Nous demandons qu'ils nous aident. Nous sommes dépassés par l'odeur déplaisante. Nous ne savons pas à quel saint nous vouer. Cette situation semble s'être dégradée. Moi, je ne vois pas comment ça déborde alors que le gouvernement est là. Il nous a oubliés parce que ça date de la mort du président Ndadaye en 1993. La population de la zone urbaine de Bouyendi, au niveau de la première avenue, demande que cet endroit soit réhabilité avant que la situation ne dégénère. Merci Elie Nibel, on parle toujours salubrité avec ce reportage qui nous conduit au quartier Guiocha, Gikungu rural. Là-bas, certains habitants se plaignent des immondices qui restent entassés dans leur ménage alors qu'il y a une association qui s'était engagée de les enlever. Et suite à ces déchets qui viennent de passer à peu près 3 mois, ils craignent les maladies des mains sales. Jean-Pierre Kaboura, c'est le chef du quartier, il dit qu'il est au courant de cette situation. Il suggère à ses habitants d'utiliser des compostières en attendant une solution durable. C'est un reportage de Lydie Gahimbare. Une odeur nauséabonde, des mouches au-dessus des sacs remplis de déchets ménagers s'observe tout près des cuisines et devant les maisons. Cette femme du quartier Guirocha, Gikungu rural, dit que l'association Cosmodie, chargée d'enlever les immondices, n'arrive pas à cet endroit. Il n'arrive pas ici. S'il arrive, il demande seulement de l'argent. Et nous, on refuse avec de l'argent parce qu'on ne le voit pas plus souvent ici chez nous. On demande les gens là qui s'occupent avec l'hygiène qu'il arrive au moins 2 fois ou 3 fois par semaine pour regarder s'il y a les déchets pour aller jeter. Il y a les maladies comme le choléra, ce sont les maladies des mains sales qui peuvent nous attaquer ici. Ceux qui se sont exprimés au micro font savoir qu'il y a à peu près 3 mois sans l'enlèvement des déchets ménagers et ils craignent d'être attrapés des maladies liées au manque d'hygiène. Pour sa part, Jean-Pierre Kaboura, le chef du quartier, dit qu'il a soulevé cette question à ses supérieurs, mais en attendant, il appelle à la population l'utilisation des compostières. Nous sommes au courant de cette situation et nous craignons que des maladies de mains sales attaque la population. En tant qu'autorité locale, nous avons soulevé la question à nos supérieurs. Selon nous, cette association est incapable. Il y a des gens qui ont des compostières et d'autres dont ces immondices leur servent de fumier. Nous appelons les habitants à suivre cet exemple dans l'utilisation des compostières en attendant que les autorités habilitées trouvent la réponse à cette question. La Cosmodie, l'association chargée d'enlever les déchets ménagers dans le quartier Guirocha Gikungu rural, a dit qu'elle était en train de s'équiper il y a à peu près 2 mois. Nouvelle de Provence à présent, le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage Ngozi conseille aux cultivateurs de semer le maïs au plus tard le 15 février prochain pour cette saison culturelle B. Lazare Nsagouye explique que d'habitude, la pluie risque de tarir à la mi-mai avant la maturité de cette culture, raison pour laquelle les agriculteurs de cette province devraient élaborer à temps afin de semer après la décomposition des herbes. Apollinaire Mouzagara. La population de la province Ngozi est appelée à labourer le plus tôt possible envie de semer après la décomposition des herbes pour cette saison culturelle paix qui s'annonce. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage qui le dit l'explique par le fait que les herbes non encore décomposées dégagent de la chaleur et brûlent par conséquent les semences de maïs et de haricots. Lazare Sagouyé tient ses propos au moment où bon nombre d'agriculteurs ont déjà récolté le haricot de cette saison culturelle qui touche à sa fin. Malgré des probables changements climatiques, les pluies de la saison culturelle prennent souvent fin vers mi-mai, indique-t-il. Il appelle à cet effet ceux qui sèment le maïs de cette saison B à le faire au plus tard, le 15 février, pour ne pas être endommagés par la saison sèche. Cette autorité du secteur agricole précise aussi que les engrais chimiques sont déjà dans les stocks de la DPIA Ngozi et qu'ils seront bientôt acheminés au niveau des zones. Actuellement, la DPIA est au travail de ciblage des hangars appropriés dans les zones ainsi que ceux qui seront chargés de la distribution de ces fertilisants. Il invite à cet effet les agriculteurs qui ont payé l'avance à penser déjà au paiement de la sorde. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Apollinaire Muzagara et plus de 70 vaches des communes Gihanga, Manda et Rugazi ont déjà attrapé la dermatose nodulaire dans un délai d'une semaine. Selon les éleveurs, une vache est déjà morte. Ces derniers demandent au gouvernement de secourir avant qu'il ne soit tard. De son côté, le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, Abou Banza, rassure et précise que les instances habilitées se penchent déjà sur ce problème. Space Caritas Cavagnana. La dermatose nodulaire a commencé à se manifester il y a une semaine dans la commune de Manda, puis elle a atteint d'autres communes comme Gihanga et Rugazi. Au total, dans une semaine, 70 vaches sont déjà atteintes, dont 50 en commune Gihanga, colline Nebulinga et village 4, où on a déjà enregistré un cas de décès. 20 en commune Manda seront les responsables chargés de l'élevage. Le nombre de vaches déjà malades en commune Rugazi n'est pas encore connu. Cette maladie classée parmi les maladies à déclaration obligatoire par la loi numéro 1/28 du 24 décembre 2009 n'a pas de traitement spécifique, que les animaux atteints peuvent survivre s'ils sont traités à temps contre les maladies opportunistes selon les médecins vétérinaires contactés. Les éleveurs que nous avons approchés dans les communes Manda et Gihanga demandent au gouvernement de contribuer et de disponibiliser le vaccin afin de protéger les animaux non encore atteints. L'administrateur de la commune Gihanga précise de son côté qu'il va commencer la sensibilisation en collaboration avec les élus collinaires afin que les animaux déjà atteints soient traités et gardés à la maison afin de ne pas contaminer les autres. De son côté, le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, Abou Banza, tranquillise et précise que le département chargé de l'élevage au ministère va bientôt contacter les responsables des projets de FIDA qui interviennent en matière d'élevage afin de pouvoir disponibiliser à temps le vaccin pour protéger le troupeau non encore atteint et soigner aussi les animaux malades. Pescaritas Kabanyana, Bwanza, Radio Isanganiro. Et pour boucler ce journal, certains commerçants du nouveau marché de Djabé disent être satisfaits des places reçues de la part de la mairie de Bujumbura, tandis que d'autres indiquent que les places sont petites, avec comme conséquence une réduction forcée de leur capital. Ce jeudi, ces commerçants étaient au marché de Djabé nouvellement réhabilité pour voir les places qui leur ont été octroyées. Bernard Nduimana, représentant ces commerçants, appelle plutôt ces derniers à construire leurs stands, car il n'y aura pas de nouvelles réattributions de stands. Charles Makoto. Ces commerçants indiquent que les places qui leur ont été octroyées sont exiguës. Ils expliquent qu'ils auront du mal à pouvoir ranger les marchandises dans les places qui leur ont été octroyées. Une autre inquiétude est liée au prix de construction comparativement aux informations émanant d'autres marchés qui ont été réhabilités à mairie de Bujumbura. D'autres cependant se disent satisfaits car la plupart des locataires de ce marché ont pu avoir un espace quelles que soient les dimensions. Ils expliquent que le fait que ces places soient étroites est la conséquence de l'augmentation des effectifs des commerçants dans ce marché nouvellement réhabilité et que la réattribution des places devrait suivre cette nouvelle donne. De son côté, Bernard Nduimana, représentant des commerçants, dit que les places au marché de Djabé sont d'une dimension supérieure à la plupart des marchés de la capitale, car est d'un mètre 40 sur 1,40 m. Selon lui, les marchés comme celui de Rouvumera sont d'une superficie d'1 mètre carré uniquement. Il appelle les commerçants à construire leurs stands car, dit-il, il n'y aura pas une nouvelle réattribution des places. Il explique que la distribution des places est une émanation d'un consensus entre les représentants des commerçants et la mairie de Bujumbura. Merci Charles Makoto, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Mais j'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Une trentaine d'hommes en provenance de la République démocratique du Congo ont été accueillis au port commercial de Rumonge dans la vague de réfugiés fuyant les combats dans ce pays depuis la semaine dernière. Mais ces hommes suspectés, puisqu'il y en a qui sont blessés et qui reçoivent des soins à l'hôpital, ont été mis à part dans un hangar servant de stock. Et le personnel du centre de santé de Murengeza en commune Manda, et non de l'hôpital de Manda, comme je le disais dans les titres avant de commencer ce journal, craint pour sa sécurité après des intimidations leur proférées par des hommes armés non autrement identifiés et réclame une position des forces de l'ordre. Et l'enrôlement des électeurs pour le prochain référendum constitutionnel et les autres élections générales de 2020 va se dérouler simultanément à l'intérieur comme à l'étranger. Ce sera du 8 au 17 février prochain. Vous avez suivi les précisions du porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Dodieu, Ndaï Senga, la mise en onde. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Nduimana, un bon après-midi.